That's a deep one for the end zone. Phelan is down there. Oh, he got it! He got it! He got it! Touchdown! Touchdown! He did it! He did it! Here's a shot! Henderson made a wild snap, work spell. Here's another shot, right by the door! Et c'est capté! Julian Fairley file jusqu'à la zone des buts! Touché pour la rougeur! The ball is still loose as they get it to Rogers. All the band is out on the field! He's going to go into the end zone! He's going into the end zone! The band have won! Et bon matin tout le monde, bon matin Trois-Rivières et bienvenue à l'inconduite de partie. Pierre-Luc Giroux à mes côtés comme chaque matin, ça oui, va bien Pierre-Luc? Ça va très bien toi. Ça va bien aussi, moi aussi. Fait beau aujourd'hui, c'est le fun. Ouais, mais il annonce chaud je pense. Ouais, une belle journée. Pour checker un peu ce qu'il annonçait là, il disait dans les 10 degrés. Là. Ouais, c'est ça, c'est pas pire ça, fait changement d'hier puis avant-hier. Parfait pour aller promener le chien, aller jogger, faire l'amour en plein air. Donc... Hey, écoute, j'ai une nouvelle choquante ce matin avant de dire le line-up de l'émission. Vas-y. Un grand joueur, un des plus grands de tous les temps, a changé d'équipe hier. Ça ah ouais? Oui, qui oui, ça? Oui. Ricky Martin change d'équipe officiellement. Ricky Martin. Oui, oui. Il a fait officiellement son annonce. Ricky est homosexuel. Ah ouais? Je ne l'ai pas vu venir, celle-là. Je non. Ce gars-là, écoute, c'était la force dominante dans la fin des années 90. Il aurait pu, on sentait, il aurait pu avoir une relation sexuelle avec n'importe quelle fille sur la planète, ou presque, là. Ouais. En tout cas, en dessous de l'âge de 60 ans, et encore, tu sais. Mais, hey, c'est tout un joueur qu'on perd pour l'autre côté, vraiment. Un gros joueur. Non, un héros. C'est une génération de femmes qui est scrappée, là. On s'entend, là, qui ce matin, qui en ont pour 3-4 jours à pleurer, là, à être défaite, à se faire. À cause de la nouvelle qui est sortie. Ah non, je suis surpris, je m'attendais pas à ça. Moi, c'est vraiment assez. Non, c'est sûr, c'est surprenant. Là. Ah. Moi, tu m'annonces ça ce matin, puis je te dirais que je suis sûr. Tu l'as pas vu venir, hein? En tout cas, ben, écoute, bonne chance, Ricky, dans tes nouvelles ouais, aventures. Ouais. Écoute, alors, je t'ai rendu de toute façon. Ouais, là, il paraît encore bien, comme sûrement, on dit. Sûrement, probablement. Plus que nous deux. Donc, cette semaine l'émission, on vous parle hockey junior puis Luc. Bon ben les séries, ça passe en deuxième ronde. Ah oui, bien sûr, la première ronde des séries est presque terminée. Ouais, c'est ça. Ce soir, on va avoir droit à deux excellents septièmes matchs. Donc, on va en savoir plus là, à partir de ce soir là, pour qui s'affrontera en deuxième ronde. Donc, on n'a pas bon sur nos prédictions là-dessus. Ben, c'est certain. On va revenir là-dessus. On va vous parler du March Madness aussi qui a... Bon, en fin de semaine, c'était ce qu'on appelle le Elite, le Sweet 16 et le Elite 8, donc les 16 goûteux et les 8 élites. Donc, c'est juste le nom un peu qu'on donne à chaque étape un peu de... Et le Final Four. Final Four qui s'en vient la semaine prochaine, ben la semaine prochaine, cette semaine, en fin de semaine, dans le fond. En fin de semaine. Donc, qui va opposer, j'ai oublié le club devant moi, là, mais c'est Duke, c'est Michigan State, c'est West Virginia et c'est Butler. Butler, quand même, très grosse surprise d'aller voir là. Michigan State qui était classé 5e aussi. Ben, moi, je suis très content. J'ai une de mes équipes qui est dans le Final Four. Fait que... West Virginia? Ouais. Et voilà. Et oui, pour tout, surtout un gars qui connaît pas ça, c'est ouais, assez ça. Fort, là. On va vous parler, on a plein d'autres nouvelles toutes, mais on y va en partant. Écoute, c'était le championnat national canadien oui. de hockey en fin de semaine. Ben, à vrai dire, ça commençait jeudi. Les Patriotes étaient là pour représenter la OUA. C'était à Thunder Bay. Thunder Bay, exactement, au Fort Williams Gardens. Un aréna. Écoute, c'est pas neuf comme aréna. Mais c'est respectable, entre 3000 places. Un peu, j'essaie de trouver un pattern, un peu d'aréna. C'est un petit peu comme Trois-Rivières, dans le fond, sans les poteaux. OK. Tu sais, t'as tout le temps des fait poteaux. On voit mieux à Thunder on Bay. On voit mieux exactement à Thunder Bay. Est-ce que t'es déjà allé, Nico? Non, mais j'ai écouté les parties sur Internet. Okay. Non, c'est foutument loin, Thunder Bay, honnêtement. Ouais. On passe par l'Abitibi et on tourne à gauche. Ouais, à l'Abitibi et on tourne à gauche. C'est exactement ça, le chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Donc, on y va, écoute, j'y vais avec les matchs, j'y vais avec ce qui s'est passé. Allons-y. On l'avait dit, les équipes qui représentaient. Bon, ben pour les sports universitaires de l'Ontario, on avait McGill, qui ont champion de la Coupe Université. On avait Lakehead, qui sont l'équipe haute. Donc, dans le fond, qui ne représentaient pas la SUO, mais qui sont l'équipe haute. Et on avait les Patriots, qui sont rentrés par la porte en arrière à la suite d'un match de médaille de bronze. Pour l'Ouest, la Conférence Canada-Ouest, on avait Manitoba, les Bisons, et les Golden Bears de l'Alberta, qui étaient, tant qu'à moi, les favoris. Et pour l'Atlantique, alors c'était St. Mary's, les Huskies de St. Mary's, et bon, Mike Denton, on en avait parlé, qui joue pour cette université-là, qui était, pas en nomination, mais qui représentait l'équipe. Donc, les résultats, allons-y. Premier match de la fin de semaine, pas de la fin de semaine, mais du jeudi, parce que là, on avait, comment ça fonctionne le calendrier, c'est que tu avais les deux premiers matchs. Les perdants des deux premiers matchs jouaient le lendemain contre l'équipe de leur pool, parce que là, tu as deux poules. Trois équipes par pool, c'est ça? Exactement. Contre l'équipe qui n'avait pas encore joué, tandis que l'équipe gagnante allait affronter l'équipe qui n'avait pas encore joué le surlendemain. C'est le type de tournoi où tu peux pas te permettre de perdre. Si tu perds, tu es dans le trouble. Mm. Vraiment. Alors, ça a commencé, vois-tu, le premier match, McGill contre Manitoba, ça s'est terminé 5-4 en prolongation. Seul problème, c'est que McGill menait 4-1 en troisième période, et jusqu'à 4 minutes de troisième période, et ça a ouvert Manitoba, un but à 3 minutes 55, un but à 16 minutes 42, et un but à 19 55, il restait 5 secondes au match. Ouf, ça fait mal. Ça. On revient contexte de même, là, t'as le momentum, puis tu continues à pousser. Et exactement à 1 minute 51, début de la prolongation, c'est les Bisons qui gagnent sur un but de Michael Lear, les Adayan Duval et Carlin Will. Donc c'est, ça a fait mal, parce que comme on disait, tu peux pas te le permettre d'aller perdre un match et tu le perds, donc... très, très pas bon. Tu sais, vois-tu, il y avait 2059 personnes au match. Tu sais, l'équipe haute est même pas là. Non, c'est ça. En soirée, c'était au tour des Patriots d'affronter les Golden Bears de l'Alberta. C'était, tant qu'à moi, le match de ce pool-là qui pouvait décider. Mais tu vas voir que les Lakehead ont donné une très bonne opposition aussi. Donc, on commence le match. C'est un but à l'avantage numérique de Étienne Bellavance-Martin, une aide à Pierre-Luc Lessard à 17-27. Et seulement quelques une minute plus tard, c'est Félix Petit qui met la marque 2 à 0. Les aides à Alexandre Demers et Alexandre Blais. Par contre, les Golden Bears continuent à pousser en avantage numérique à 19-21. Donc, il restait quasiment pas de temps, comme on dit. C'est Jesse Gimblett qui vient compter une aide à Eric Hunter et Yann Barteau. En deuxième période, ben là, écoute, Alberta ont décidé que c'était parti. À 12 minutes 34, Jesse Gimblett, une aide à Eric Hunter. À 13 minutes 28, Brian Woogler, les aides à Kyle Fitchow et Yann McDonald. Et en troisième période, à 1 minute 29, c'est Yann Barteau, encore lui. Gros match pour Yann Barteau. Un but, une passe, donc, qui vient faire le quatrième but. Celui qui fait mal, celui qui a rendu la tâche difficile aux Patriots. Les tirs, vois-tu, 36-34 pour les Patriots, en faveur des Patriots. Par contre, les avantages numériques, plutôt douteux. 1 en 2 pour l'UQTR, 1 en 7 pour l'Alberta. Ooh. Donc, une grosse disparité au niveau des pénalités qui ont été remises. Je ne sais pas, je pourrais pas te répondre. C'est une question que je me pose, mais je sais pas, les arbitres étaient de où exactement? Est-ce que c'était des... Ou est-ce que les Patriotes ont été indisciplinés? Ben écoute, Jacques Laporte en conférence de presse a dit je dis pas qu'on les méritait pas, les pénalités, mais Alberta en méritait aussi. Il aurait aussi pu en avoir un petit peu plus des deux côtés. Et ils en ont pas eu, donc ça a fait mal, là, parce qu'on s'entend que 1 contre 7, tu joues quand même 14 minutes en désavantage numérique environ, donc... Donc ça, puis vois-tu, même Pierre-Luc Lessard a eu une pénalité pour 2 minutes pour hit to the head, c'est un coup à la tête, excuse-moi, je me sens en glisse maintenant. Ouais. Donc dans le fond, c'est que puis Pierre-Luc Lessard est quand même un des meilleurs joueurs des Patriots, donc on parle de 24 minutes de pénalité en tant que tel en 8 infractions contre 4 minutes en 2 infractions. On n'a malheureusement pas la foule pour ce match. J'aurais été curieux de voir ça. Le lendemain, le 26 mars, St. Mary's. Bon, les Huskies qui affrontaient McGill, vu McGill a perdu. C'est une victoire de 4 à 2 des Huskies sur McGill. C'est terminé pour McGill dans le tournoi. 26-25, les tirs pour les Huskies de St. Mary's. Vois-tu dans le match... bon, on peut en parler. Mike Denton a eu une passe. Par contre, on peut retenir la performance de Cody Thornton qui a été chercher 2 buts. 2 passes pour Colby Pridham aussi. Donc, c'est terminé pour McGill. C'est une surprise quand même. Je m'attendais à ce qu'il y ait... plus de position un peu. Plus de... Ben, tu sais que ça... que McGill soit capable d'aller chercher plus que ça. Moi, je m'attendais à les voir sortir de ce pool-là, aller chercher Alberta en finale. C'est pas ce qui s'est passé, mais vraiment pas. Donc, 2686 personnes au match. En soirée, bon, ben, les Patriots affrontaient Lakehead. C'est sûr que là, on se dit, en partant, tu pars avec 2 buts contre toi. Hein, pense-y. Parce que t'sais, ton différentiel de buts par rapport à la première partie est de 2. Donc, t'es à moins 2 pour cette partie-là. Tu le sais qu'il faut que tu gagnes minimum 4-2 pour venir égaler ça. Il faut que tu gagnes par un gros score. Je ne sais pas si ça a joué dans la tête des Patriotes, mais on ne peut pas dire que c'est une excellente performance pour eux. Vraiment, non, vraiment pas. 3 buts pour Lakehead en première période. C'est Chris Hogg, Dan Spear et Brock McPherson. Un but en désavantage numérique, en avantage numérique plutôt pour McPherson. Donc, il vient de faire la marque 3-0. Ça se continue en deuxième. Lakehead, Matt Caria vient compter. C'est 4-0. UQTR va revenir. Par contre, en avantage numérique, Francis Charland, les aides à belle avance, Martin et Breton. Mais ça se continue. Lakehead va en mettre 2 de plus. Ryan McDonald et en avantage numérique, Dan Spear, son deuxième du match sur une aide de Jordan Smith. Et en fait, deuxième période, Félix Petit, encore lui, donc 2 buts dans le tournoi pour lui. Les aides de Pierre-Luc Lessard et Olivier Donovan, donc qui vient faire la marque 6-2. Et en troisième, Matt Carrier, encore lui, qui vient faire son deuxième du match, une aide à Matt Diaz et Mitch Monu. Donc, c'est terminé. C'est terminé pour les Patriotes. Voilà. Vois-tu, les pénalités là-dessus, ça a été pas mal plus égal. 1-10 pour les Patriotes, 2-8 pour Lakehead. Donc, beaucoup plus proche. Mais c'est terminé pour les Patriotes en tant que tel. On peut quand même pas être trop déçu parce qu'on peut dire que déjà que ce soit rendu là, c'est excellent. Oui. Donc, on peut pas... Ben, écoute, la partie contre Western était tellement... tu sais, c'était... sans dire... magnifique. Non, pas formidable, magnifique. C'était rendu là, tu t'y attendais plus. Puis d'avoir gagné ça, d'avoir été chercher ça. Mais il s'est passé beaucoup de choses aussi. Il y a eu plusieurs textes là-dessus et d'informations. On a eu beaucoup de problèmes à se rendre à Thunder Bay du côté des Patriotes. J'ai l'impression que l'équipe est arrivée plus fatiguée un peu. On est parti d'ici à 6h30. Mardi soir, tu te souviens que mardi soir faisait pas super beau. Non, c'était pas... On monte à Québec, on était à peu près à 15 minutes de Québec. On va voir l'horaire des avions sur Internet. Pouf, le vol pour Thunder Bay avec escale à Toronto est annulé. Oh, qu'est-ce qu'on fait? On se revient de bord, on revient à Trois-Rivières. Non, on continue, mais on se dit on s'en va à Montréal. On va avoir un vol à Montréal, probablement. On fait un autre 3 heures. On fait un 3 heures. On arrive à Montréal. Bouh, il n'y a pas de vol de disponible avant le lendemain. Donc, on dort à l'hôtel là-bas. Le lendemain, le vol, à vrai dire, quand ils sont arrivés, le vol était... À vrai dire, ils sont partis pour Montréal pour aller prendre un vol à Montréal. Le vol était déjà parti quand ils sont arrivés. Donc, ça non plus, ça va marcher. Le lendemain, on a un avion pour Thunder Bay. On a 2 avions pour Thunder Bay parce qu'il n'y a pas assez de place dans les deux. Donc, on split l'équipe en deux puis on s'en va à Thunder Bay. Donc, on est arrivé là-bas déjà, probablement un peu... le cerveau était peut-être un peu moins là. Mm. Tu sais, c'est quoi, faire longtemps de l'autobus, pas dormir dans tes valises, dormir dans tes valises plutôt. Donc, c'est pas ce qui est excellent. Mais on peut aussi très bien mettre la faute aussi sur le tout ce qui est les blessures. Alexandre Demers et Francis Charland qui jouaient. Alexandre Blais aussi, les deux derniers jouaient avec une épaule en moins. Demers, c'est sur vos genoux qui est magané quand même. Donc, on a au moins été beaucoup de courage pour les Pats. Oui. On va aller écouter les commentaires de Jacques Laporte en conférence de presse. Sur la performance, c'est suite au match contre les Lakers, donc quand le tournoi s'est terminé. Et je veux dire que oui, j'étais un petit peu surpris parce qu'on avait regardé des vidéos d'eux. On savait qu'ils étaient compétitifs, mais ils ont joué un match comme ils se devaient de jouer. C'est extrêmement difficile de jouer ici, à l'ECAD. Les partisans sont enthousiastes et puis ça l'aide vraiment. Donc, on dit c'est bonne chance pour le futur. Mais chose certaine, je l'ai dit à mes joueurs tantôt, et je suis très, très, très content de l'année en général qu'on a connue. On va essayer d'oublier rapidement le dernier match. Ce que je vais me souvenir de cette équipe-là, c'est le courage qu'ils ont eu. Et même Francis qui jouait avec une épaule quasiment en moins, Alexandre Demers, puis plusieurs joueurs qui étaient blessés. Donc, je me dis bravo. Ben, c'est sûr que moi. Surtout bonne chance à l'équipe. Donc, c'était les commentaires de Jacques Laporte suite à la défaite contre les Kids. On va aller maintenant écouter les commentaires de Jean-Christophe Blanchard, encore suite à la défaite. Ben, c'est sûr que moi, je venais ici pour gagner le tournoi. Puis, c'est décevant. Je pense que j'ai quand même laissé 7 buts. Je pense pas vraiment livrer une contre-performance. Mais c'est sûr que moi, j'aurais aimé ça sortir une game exceptionnelle et faire gagner mon équipe. Puis c'est sûr que de ce côté-là, je suis un petit peu down de ça. Puis j'aurais aimé ça gagner. C'est juste ça, dans le fond. Donc, on voit que l'équipe est quand même à terre, mais on peut quand même se féliciter du côté des Patriotes pour la saison qui a été très, très bonne. Donc, on va continuer sur le tournoi. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ben oui, les Patriotes sont sortis, mais c'est pas terminé pour le tournoi. Au contraire, ça se continue le vendredi. Manitoba contre St. Mary's. Écoute, je croyais pas nécessairement aux chances de St. Mary's. C'est sûr qu'ils ont quand même des très bons joueurs. Ranco, entre autres, Chris Ranco et Marc Ranco. Donc, ils l'ont emporté 5-0 contre les Bisons du Manitoba. Donc, St. Mary's qui se donne un bon coup de pied à la bonne place en battant Manitoba. En battant Manitoba, exactement. Donc, vois-tu, et à la foule, Tatou, je t'ai dit qu'il y avait 3000 personnes pour le match entre les Patriots et Lakehead. Vois-tu, pour ce match-là, qu'il n'y a pas... Il n'y a pas Lakehead qui n'est pas là. Manitoba, bon, c'est un petit peu plus proche de Thunder Bay. Il y a probablement beaucoup de gens du Manitoba. Je ne sais pas si c'est l'université du Manitoba, t'as Winnipeg. J'ai un feeling que oui, là, parce que peut-être Saint-Boniface, là, mais sinon. Pas Saint-Boniface ici, là, Saint-Boniface. On avait compris. Mais il y avait 2793 personnes, donc excellente bon. Foule du côté de eux. Donc St. Mary's, ben en gagnant contre Manitoba, s'en va en finale. Il va affronter le gagnant du match Alberta Lakehead. Et dans ce match-là, ça s'est terminé 5-3 pour l'Alberta. 41-26 les tirs en faveur de l'Alberta. Vraiment un très bon match en tant que tel. Brock McPherson du côté de Lakehead, 2 buts. Alors que c'est Chad Klassen, l'excellent Chad Klassen du côté d'Alberta, qui est venu lui aussi faire 2 buts. 3036 personnes au match. On s'en va en finale. C'était disputé dimanche soir sur les ondes de Sportsnet. J'ai écouté le match. Belle présentation. On s'attardait aussi. J'ai aimé le fait que c'était pas traité comme un match de hockey junior. Que c'était traité comme un match université. Donc, c'est pas les mêmes réalités au niveau des joueurs, au niveau bon des expériences, tout ça. J'ai un peu moins aimé le Mike Denton show. C'est-à-dire qu'on parlait beaucoup, beaucoup du fait que Mike Denton était là. Mais on parlait pas... Tu sais, on parle le fait que oui, Denton est là, mais c'est pas toute l'équipe de St. Mary's. Tu sais, là, t'avais vraiment comme au lieu de s'attarder aux meilleurs joueurs de St. Mary's, on parlait beaucoup plus de Mike Denton. Ben, c'est... C'est parce que c'est une publicité extra, par contre. C'est ça, je l'avoue. C'est probablement le championnat national qui a le plus été parlé depuis quelques années facilement à cause de la présence de Denton. Donc, en finale, moi, tu sais, je favorisais Alberta pour ce tournoi. Ben, les Huskies de St. Mary's ont emporté 3-2 en prolongation. Donc, Mike Denton, champion national à sa première année. Bravo. Écoute, c'est ça qui, comme je l'ai déjà dit, c'est ça qui le ramène sur le bon chemin, puis qui fait de lui une très bonne personne. Félicitations à lui. Donc, les tirs, par contre, 40-26 dans la partie. Les buts, Tyler Metcalf en première période fait la marque 1-1, 1-0 plutôt pour Alberta. St. Mary's en deuxième, Cam Fergus, les ailes à Cody Thornton et Marc Rancourt. En troisième période, St. Mary's à 3 minutes 46, c'est Andrew Autam, l'aide à Kyle Doucet. Et à 15 minutes 17, Derek Ryan remet la marque 2-2, c'est légal. On s'en va en finale, en prolongation. St. Mary's en prolongation à 19 minutes 13. Brad Smith, une aide à Marc Ancaux. Un peu garbage là, qui rentre au filet qui réussit à pousser ça. Donc, les victoires champions canadiens, les Huskies de St. Mary's. Félicitations à eux. Donc, félicitations vraiment parce que je favorisais grandement Alberta. Donc, très content pour eux. Alors, on va parler un peu des statistiques dans le tournoi. Le meilleur pointeur a été Cody Thornton de St. Mary's avec 5 points. On peut parler du meilleur gardien qui a été Neil Conway de St. Mary's aussi avec 0.952 de moyenne d'efficacité. Au niveau des assists, Eric Hunter de l'Alberta a été le meilleur avec 4. On va parler des équipes tout tournoi. C'est ce que je veux dire pour l'équipe tout tournoi. Donc, l'équipe qui dit qui a été les meilleurs du tournoi. Dans les buts, c'est Neil Conway de St. Mary's. À la défense, Andrew Ottam de St. Mary's. Yann Barteau d'Alberta. Donc, c'est souvent des matchs des deux équipes qui se rendent en finale. Hein. À l'attaque, c'est Cody Thornton de St. Mary's. Cam Fergus de St. Mary's aussi. Et Chad Klassen de l'Alberta. Le joueur du tournoi, le MVP, le joueur le plus utile, donc il gagne le trophée Major Danny McLeod, c'est Andrew Ottam de St. Mary's. Félicitations à eux. On va maintenant aller pour les trophées de la saison, dans le fond, et des séries. Donc, le trophée sénateur Joseph O'Sullivan pour le joueur de l'année, c'est Hunter Tremblay de UNB, de l'Université du Brunswick, qui a dominé les classements de pointeurs. Donc, vraiment. Défenseur de l'année, Marc-André Dorion de McGill. Le gardien de but de l'année, Steve Christie de Manitoba. Je te reviens avec les goalers de l'année. Je trouve que Jean-Christophe Blanchard a été un peu mis de côté là-dessus. Le prix Clark Drake, excusez-moi, c'est Jared Gomez de UPEI. Donc, c'est la recrue de l'année. Donc, Gomez qui joue à l'Université du Prince-Édouard. Le joueur le plus gentilhomme, Francis Charland de l'UQTR. Donc, ici, qui remporte le RW Pog Award. Le joueur de l'année à UNB, bien sûr, c'est l'entraîneur de l'année, c'est Gardiner McDougall, qui gagne le Father George Keough Memorial. Et le trophée pour le meilleur joueur athlète, Tyler Metcalf de l'Alberta. Donc Tyler, qui, en plus de participer au championnat national, est un excellent étudiant. Bon, les équipes, ce qu'on appelle les All-Canadians, tu sais, on connaît les All-Americans aux États-Unis qui sont, bon, les joueurs de l'année. Les All-Canadians, c'est la même chose. Donc, le meilleur gardien de l'année, première équipe, c'est Steve Christie du Manitoba. À la défense, Marc-André Dorion, tout comme Andrew Ottam. À l'attaque, c'est Chad Klassen, Francis Véropol de McGill et Hunter Tremblay de UNB. Donc, ça revenait un peu à ce qu'on a nommé tantôt. La deuxième équipe, on va avoir un peu de différence par contre. Dans les buts, Keaton Artigan de Waterloo. Je comprends pas que Jean-Christophe Blanchard n'ait pas été au moins sur la deuxième étoile. A gardé quand même à peu près 90% des matchs cette année. Meilleure moyenne d'efficacité du circuit. Keaton Artigan. Il a été oublié. Ben, ça semble être ça. Je sais pas. Mais en tout cas, je pense qu'il aurait dû se classer là. Ça n'a pas été le cas. On continue avec la défense. Carl Ficho d'Alberta. Luke Gallant de UNB. À l'attaque, c'est John Scott Dixon de UNB, Chris Ray de Waterloo et Derek Ryan d'Alberta. Et je pense que pour la All-Rookie Team, je vais juste vous parler du gardien Neil Conway de St. Mary's qui vraiment a été une force dans le tournoi. Donc la recrue s'est tout de suite démarquée. Donc félicitations à lui. Et on va terminer avec... Le joueur de la semaine du côté des Patriotes, bon ben c'est Félix Petit, il a compté 2 buts dans le tournoi, donc félicitations à lui. Bon, Félix, c'est un joueur de première année, il débute un certificat en administration, devrait être de retour l'an prochain, j'en déduis, j'espère. Donc on va voir à ça. Et les Patriotes seront reçus par la ville de Trois-Rivières afin de souligner leur 16e participation au championnat universitaire canadien. Ça va se dérouler mercredi, donc demain à 16h. Ça va, la musique? À quel endroit? Ah, à l'hôtel de ville de Trois-Rivières, là. Carrément, monsieur le maire, Yves Lévesque va les recevoir. Super. Super, super. Ça va la musique? On s'en va écouter du Omnicrom de leur disque comme à la télévision. Ça s'appelle Vedette. C'est avec le groupe de St. Catharines, un groupe punk. Très intéressant comme chanson, beau mix. Vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Insulte. Il insulte toute l'équipe! Mais Dave était là. Dave, c'est une terreur. Ouais. Dave, c'est un tueur. Dave, il est magané. Le conduit de partie. Et c'était Omnicrom avec The St. Catharines, avec la chanson Vedette, qui, ma foi, est quand même baveuse un peu, hein, disons-le. Ouais. Donc, on y va, on continue avec le sport étudiant, on va aller avec les finales. C'était les finales de soccer intérieur 11 contre 11. C'était disputé ici même à Trois-Rivières. Du côté des hommes, c'était Laval qui a été classé premier, qui a terminé champion canadien cet automne à l'extérieur, qui affrontait Concordia, qui a terminé dernier au classement de la saison et qui se retrouvait en finale. Créé toute une surprise. Toute une surprise. Écoute, j'étais là... excellent match entre les hommes et entre les deux équipes d'hommes. Là. Vraiment, là, Concordia m'ont surpris. C'est des grinders un peu. Tu sais, des travaillants qui te poussent, qui te forcent à faire ton jeu plus rapidement. Excellente performance de leur côté. Mais c'est Laval qui l'a emporté 1-0 sur un but à la 90e minute. C'était fini. Ça s'en allait en tir de pénalité. En tir de barrage, ça s'est terminé sur un but de Alexandre Lévesque-Tremblay. Une aide à Louis-Charles Laliberté. Un but bien placé en dessous du gardien. Donc, félicitations à eux. Chez les femmes, l'Université Montréal affrontait l'Université McGill. C'était pareil. Ça, ça n'a pas été un beau but du côté de Montréal. Un peu un garbage, on pourrait dire. Là, genre de but un peu en rentrant dans le rapidement au but. Là, en tout cas, je voulais que tu expliquerais pas, c'est trop compliqué. Mais ça s'est terminé 1-0 pour les Carabins. Donc, eux aussi remportent la PAM de la meilleure équipe de soccer intérieur 11 contre 11. Donc, félicitations à eux. Et écoute, je vais dire, Pierre-Luc, c'est ce qui clôt un peu les activités sport étudiantes au Québec. Je ne sais pas de quoi je vais parler la semaine prochaine. On va trouver des sujets. On va mettre du stock. Il n'y a pas grand-chose à dire. Non, mais semaine prochaine, on va faire un peu une révision de bon ce qui attend les Patriotes pour l'an prochain, qui part, qui revient. Je vais aller m'entretenir avec Jacques Laporte qui arrive aussi, parce que ça me dit qu'il y a déjà des joueurs qui ont pris à entendre de venir avec les Patriotes l'an prochain, les joueurs juniors majeurs, donc on va pouvoir suivre ça. Avec la saison que les Pats sont connus, c'est sûr que c'est plus facile pour approcher des joueurs, là, dans le fond. C'est certain. Mais Francis Véropol, Pierre-Alexandre Vandal, semble-t-il, serait pas dans ces six joueurs-là. McGill, qui nous avait parlé un petit peu. Ben, j'ai l'impression, moi aussi, que ça va vers McGill, à moins de signer un contrat professionnel. Mais j'ai l'impression que Vandal s'en va avec McGill. Tu m'avais dit qu'il voulait devenir un peu, il voulait aller en médecine, donc... Ben, je pense que c'était un de ses choix. Là. Donc, c'est peut-être là qu'il a décidé. Oui. On va voir ça. On s'en va une pause au retour. Hockey Junior, Pierre-Luc, t'as du stock à amasser avec les Bien séries. Bien sûr. C'est bon, vous écoutez l'inconduite de partie sur les ondes de C'est fou. Pour nous rejoindre en studio, c'est le live commercial inconduitedepartie.com. Notre site web, le www.inconduitedepartie.com. Inconduitedepartie.com. C'est fou. C'est fou comme... C'est fou, c'est comme faire... Ça me fait rire végétarien. 99. Bonjour, c'est Pierre-Alexandre Vandal, vous écoutez un conduite de partie sur C'est fou. To the night. Vous voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Turbo Negro avec la chanson Sell Your Body. Ça rock dans le studio, en tout cas. On sautait partout. Hein, ouais, ça... tout, ouais, c'est bon ça, c'est le genre de tune que je mets quand je fais du ski puis que je me relaxe. Donc, quand tu fais l'amour aussi, non? Non, c'est pas ce genre de... Tu mets mon mot de passe. Le mot de passe de mien ou sinon je vais avec du Herbie Bitch. Barry White, oh yeah, tu le sens bien. Hey, on perd pas plus de temps à dire nos niaiseries. Puis à Luc, on va continuer, on y va avec le junior majeur. Les séries, c'est quasiment fini pour la première ronde. Quasiment fini. On va essayer. Est-ce qu'on avait fait des prédictions la semaine dernière? Ouais, on avait fait nos prédictions la semaine dernière pour la première ronde des séries. On va regarder ça. C'est pas encore complété, comme ouais, on l'a dit plus tôt. Il y a 2 septièmes matchs ce soir qui vont avoir lieu. Mais on va commencer tout d'abord, on va parler bien sûr des Cataractes qui affrontaient les Tigres de Victoriaville. On se rappelle, lorsqu'on s'était vu la semaine dernière, la série était égale 1-1 entre les deux équipes. Et mardi soir, l'action reprenait cette fois-ci au Centre Bionès de Shawinigan. Ça a été un excellent match pour les deux équipes. Les Cataractes qui ont fait une remontée spectaculaire, qui perdaient 2-0 en deuxième période, ont finalement marqué 2 buts pour faire 2-2. C'est Antoine Haute-Caron et Michael Bournival. Ensuite, les Tigres ont repris les devants 3-2. Mais la troisième période a été très bénéfique pour les Cataractes. Ils ont compté 2 buts importants, dont le dernier à 4 secondes de la fin. Hey, il restait 4 secondes, sinon on s'en allait en prolongation. Et donc, les Cataractes qui l'ont emporté 4-3. Une grosse victoire. Encore une fois, les Cataractes qui ont dominé au chapitre des tirs. 4 secondes de la fin. 4 secondes de la fin. Ça met ça dans les tibias à peu près. Hein? Ouais, ça c'est certain. Donc, comme je disais, 43-29 dans les tirs pour les Cataractes. Encore une fois, les Cataractes qui ont dominé au chapitre des tirs. On s'attendait pas à ça du tout, d'avoir une performance des Cataractes comme celle-là. On savait... J'y croyais moins avec la fin de saison, mais on savait que les Cataractes étaient capables de venir foutre la merde un peu dans les séries. Mais je m'attendais pas à ce qu'ils dominent les games autant que ça. Ben surtout qu'ils affrontaient un gros club, là. Les Tigres de Victoriaville sont probablement dans les favoris en ce moment de la Ligue, donc on s'attendait pas à ça. Et j'aime vraiment pas ce que j'ai vu de la part de Victo. Non. On l'avait dit, Yannick Jean, bon, j'avais eu une bonne réputation, trop en série. Éric Veilleux. Qui n'avait pas gagné de séries éliminatoires depuis 2002. C'est ça. Éric Veilleux, lui, de son côté, qui est tout le temps un peu un très grand motivateur. Bon, ben, écoute, est-ce que tu penses que les Tigres, avec ce que tu as vu, ont des chances d'aller loin en série? Je peux pas te dire. Je te dirais que maintenant, deuxième round, bon, on va revenir plus tard. Ouais, là, okay, bah, ils vont affronter en deuxième round, là, mais ouais. Je crois que les Tigres ont quand même, là, vont peut-être rebondir là, d'ici la deuxième round. Donc, on continue. À ce match-là, donc, les Cataractes qui menaient 2-1 dans la série. Le lendemain, on est encore toujours au Centre Bionès de Shawinigan. Cette fois-ci, les Tigres qui ont sorti très, très fort. 3 buts. Un but en première période, 2 buts en deuxième période. C'était donc 3-0 pour les Tigres de Victoriaville. Finalement, Michael Bournival est venu réduire l'écart à 2 buts en deuxième période. Mais les Tigres ont mis le clou dans le cercueil. C'est sur un but de Travis McKezak. Donc, c'était 4-1 pour les Tigres de Victoriaville. Moi aussi, ce que j'ai remarqué dans le premier match entre les Tigres et les Cataractes de Shawinigan, seulement 2750 spectateurs dans un match de séries éliminatoires. Faisait pas beau, par contre, mardi soir. Je suis tellement mentionné. Sûr, mais... Ça m'a déçu beaucoup de voir que les partisans des Cataractes là, n'ont pas foulé l'aréna pour un match aussi important. Je comprends ton point, écoute, mais il y avait... Même le mercredi, on était à 3000 spectateurs, ouais. Donc on a déjà vu de meilleures foules. Puis Victo est pas loin, là, en plus. Là. C'est pas loin, là, Victo, pour monter, là. C'est, Non, donc on probablement c'est des partisans des Tigres aussi qui ont fait... C'est même pas une heure, là, Victo, là. C'est pas long. 50 km en Trois-Rivières, 40 km monté à... T'as un heure et quart, environ? Oh non, c'est même pas une heure. Quand il fait beau, là... Ouais. Tu pognes pas de tétus à 55, ça va bien. Ça va bien. Ouais, c'est sûr. Donc, après ce match-là, c'était 2-2 dans la série. On retournait du côté du Colisée des Jardins à Victoriaville. Et cette fois-ci, les Tigres de Victoriaville qui ont vraiment pris les choses en main. En deuxième période, on a vu deux buts d'essai pour mettre la marque 3-1 pour les Tigres. En troisième période, encore une fois, c'est Joël Chouinard qui est venu faire 4-1. Les Cataractes ont essayé quand même de rebondir. Joe Dubé et Pierre-Éric Martel sont chacun crédités des buts. 4-3, donc ça se termine de cette façon pour les Tigres de Victoriaville. Dans ce match-là, enfin, les Tigres de Victoriaville qui ont eu le dessus dans les tirs 35-32 pour les Tigres. Et on n'oublie pas les performances. J'en ai pas parlé depuis le début de ma chronique. Kevin Poulin qui fait des. Ben oui. Qui a une chance qu'il était là, une je te dirais. Chance qu'il était parce là. Que sinon, ça aurait été une série tout à fait différente. Donc 3-2. C'était 3-2 pour les Tigres dans la série. On se transportait maintenant du côté de Shawinigan pour le sixième match. Et là, c'était tout ou rien pour les Cataractes. On devait absolument gagner cette partie-là pour rester en vie. Et en première, deuxième période, c'est Joël Champagne qui est venu donner les devants aux Tigres de Victoriaville, 1-0. Quelques minutes plus tard, Antoine Houde-Caron qui vient mettre l'égalité 1-1. Et finalement, on s'en va en prolongation. Et qui? Philippe-Michael DeVos qui vient envoyer les Cataractes en vacances. En prolongation. Ouais, ben donc oui. Un but en prolongation très important. Sur un but en avantage numérique, c'est une punition de Marc-Antoine Gélinas, le gardien de but. Probablement qu'il a envoyé la POC à l'extérieur dans les estrades. J'écoutais la partie à la radio. Je pouvais pas me déplacer, malheureusement. Mais j'ai manqué le cas. Je sais pas pourquoi, mais c'est probablement soit ça ou accroché. Ou accrochage. Fait tomber. Ouais, donc je te dirais que Marc-Antoine Gélinas, encore une fois, qui a eu les trois défaites. Dans cette série-là. Il n'a même pas eu aucune victoire. C'est Gabriel Girard qui est allé chercher les deux victoires. Ah, ouais. Donc, quand on disait que Marc-Antoine Gélinas ne livrait pas la marchandise en série éliminatoire, encore une fois, là, c'est ce qui s'est passé cette année du côté des Cataractes. Je vous dirais que les Saint-Jean vont peut-être avoir eu raison, finalement. Probablement, okay. Certainement, même, je te dirais. Aussi, qu'est-ce qui a joué pour les Tigres de Victoriaville? Les unités spéciales. On regarde dans le deuxième match, les Tigres de Victoriaville qui ont compté 3 buts en 3 tentatives en avantage numérique. Dans le sixième match, 2 buts en 5 tentatives. Donc, une chance que les unités spéciales étaient là. Je pense que ça l'a fait beaucoup mal aux les Cataractes de prendre des mauvaises punitions contre une équipe qui est aussi dévastatrice avec des joueurs comme Guillaume Goulet, Thomas Kubalik, Joël Champagne, Joël Chouinard et j'en passe, Samuel Groux, etc. Donc, c'est quand même une grosse machine de hockey, les Tigres de Victoriaville. On ne pouvait pas se permettre de prendre des punitions comme ça contre cette équipe. Donc, comme on l'a dit, la série se termine 4-2 pour les Tigres de Victoriaville. Donc, on dit déjà à l'an prochain pour les Cataractes de Shawinigan. Oui. Ça a été un printemps de courte durée pour les hommes d'Éric Veilleux. Je vais être curieux de voir l'équipe l'an prochain, quand même une équipe jeune du côté des Cataractes. On a aussi donné, j'ai remarqué dans la partie, on a donné beaucoup de temps de glace à Raphaël Pouliot, oui. qui jouait sur le quatrième trio cette année. On a donné aussi des belles preuves de confiance à Yannick Veilleux. Donc j'ai hâte de voir, surtout Veilleux, j'ai hâte de le voir l'an prochain, ce que ça va donner. Très jeune encore là, Yannick Veilleux, donc ça c'est certain. Vraiment, on va voir ça l'an prochain. C'est pas une mauvaise équipe. Je pense que de toute façon, ça n'attendait pas à grand chose des Cataractes. Ça a déjà été bon pour, je pense, qu'est-ce qu'ils ont fait cette année avec le club qu'il y avait là, sérieusement là, bravo. Ben moi j'étais curieux de voir ce que ça allait donner à Noël, tu sais. Ouais. À Noël, bon, l'avenue qu'on a pris à Noël a fait qu'à partir de là, on ne pouvait plus s'attendre à grand-chose. Ils ont donné, je pense, une très bonne série. Ouais. Et tu fais le retard de... C'est sûr que le format des séries éliminatoires, la façon que c'est fait, les Cataractes n'ont pas pu vraiment créer de surprise. Exemple, comme l'an prochain, la façon dont les séries vont être faites, les Cataractes auraient eu une chance cette année de gagner une première série, puis peut-être d'avoir un printemps un peu plus long. Ils auraient affronté qui, à peu près, tu sais? tu il aurait dû être probablement Montréal, comme ça, probablement Gatineau. Les sixièmes, ils ont fini je crois 9e, donc ça serait à peu près 6e si je ne m'abuse. OK, je veux pas, je t'ai pogné, au dépourvu, mais écoute, je vais te dire ça dans quelques secondes. On est-tu en train de cliquer sur la même affaire sur internet? Oui, je pense que oui. Écoute, vois-tu, ils ont fini 10e. Donc, il aurait affronté les 16 meilleures équipes font les ouais, séries. C'est les 16 meilleures. Donc, on aurait affronté les 7e, je crois. Donc, on aurait affronté probablement les Screaming Eagles du Cap-Breton. Ça aurait déjà été plus ça chaud, je pense. Oui, ouais, ça exactement. Aurait été plus difficile parce ouais. qu'on aurait fait beaucoup de voyages. Puis, à partir de là, peut-être qu'on aurait essayé de finir plus haut aussi du côté de Shawinigan. Ben parce oui, que là, de toute façon, fait combien de temps qu'on sait qu'on affronte soit Victoriaville ou Drummondville? C'est ça, il n'y avait comme plus aucune motivation. Ça fait longtemps là, qu'on certain. Le sait. Là, donc, ça va pas être différent. Puis, en effet, si Shawinigan se retrouve contre Rimouski ou Île-du-Prince-Édouard, c'est plus la même affaire. Là, c'est ça, là, c'est vraiment pas la même chose. Ça, c'est certain. Dans les autres séries, Pierre-Luc? Dans les autres séries, on se transporte du côté de Drummondville. Et on le sait, il menait 2-0 mardi dernier lorsqu'on a eu notre émission. Et ça a été carrément comme on s'attendait. Encore une fois, mardi soir, les Voltigeurs qui l'ont emporté facilement par la marque de 5-1. Gabriel Dumont, un but, une passe. Andrew Randazzo, un but, une passe. Et Chris DiDomenico, encore une fois, deux passes dans la victoire. Donc... Lewiston qui remporte 5-1 la troisième partie. 3-0 dans la série. J'ai remarqué aussi une faible assistance du côté de Lewiston. Écoute ça, Nicolas. 808 spectateurs au match. Un match de série. Il y avait quoi à TV? Il n'y avait pas grand-chose. Moi, je pense qu'on ne donnait pas cher de la peau des Maniacs, tout comme tout grand connaisseur de hockey junior l'a fait. Mais je pense que de soutenir son équipe et de comme essayer d'avoir un septième joueur, c'est toujours important. Et du côté de Lewiston, c'est pas qu'est-ce qui s'est passé. 808 spectateurs dans le premier match, 898 spectateurs dans le deuxième. Donc, c'est pas des excellentes foules là, quand on a vu des 2000 puis des 2500 là, cette année. Là, je me demande ce qui va arriver avec le Weston. Oui, de leur côté, ça c'est ouais, certain. Ouais. Dans le quatrième match, les Voltigeurs de Drummondville, encore une fois, qui ont été dominants. Après deux périodes, c'était quand même 2-1 pour les Maniacs. Mais en troisième période, les Voltigeurs qui ont rebondi, qui ont porté la marque 5-2 sur des buts de Rémi Blanchard, Charles Landry, Gabriel Dumont et André Pala. Donc, victoire de 5-2. Et il faut souligner quand même, encore une fois, la performance du gardien de but des Maniacs, Adrien Lemay. En tout, un total de 43 arrêts dans le match. Je pense que si lui n'aurait pas été là non plus, je crois que ça a été des matchs encore plus... Des démolitions. Des démolitions totales. Là, je vous dirais que ça a été des 9-1 puis des 10-2. Mais non, Adrien Lemay a très, très bien gardé les buts. Et je vous dirais que... Par chance qu'il était là, on a eu le double de tir du côté des Voltigeurs là, comparativement aux Maniacs. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. Ça en était fait des pauvres Maniacs de Lewiston. Pauvres eux qui ont perdu 2 ans d'affilée en 4 matchs d'affilée là, contre ces mêmes Voltigeurs. Et du côté des Voltigeurs, on soulignait une 20e victoire de suite cette saison. On le sait, ils avaient terminé avec 16 victoires de suite en fin de saison régulière. Et maintenant, on est rendu à 20. Donc, hey, on va revenir sur les prédictions qu'on n'a pas faites pour l'autre série. Donc, toi, moi et bon ceux qui nous écoutaient à la session d'automne, cet automne, Sébastien Proulx. Donc, on a pris nos prédictions. Et je dois dire que pour Victo Cataract, on avait dit que tout le monde avait dit que ça allait se finir en 5. Ça s'est terminé en 6. Donc, un point chaque, mais pas le 3 points du nombre de matchs. Ouais, hein. Ouais, 3 ouais. points ou 2 points qu'on a dit dans le règlement, je ne sais plus. Ben, la pensée, c'était 2. Oh, bon, on va y aller avec 2. On va y aller avec 2. OK. Et pour ça, Drummond, on avait tous dit en 4. Félicitations, on se tape dans le dos. Ouais. Bad job, c'était les pas gars. La plus difficile. On l'a eu. Donc, on continue du côté maintenant de Québec. Je vous dirais que après les deux premières parties, on ne savait pas trop si les Remparts allaient être capables de passer par-dessus le Titan. Et finalement, c'était 2-0 pour les Remparts. 2 victoires en prolongation sur des buts, j'oublie son nom, de, voyons, En tout cas, on revient là-dessus. Si. Bref, Batters, troisième partie du côté d'Acadie Batters. Ils l'ont emporté facilement par la marque de 4 à 2. Ça n'a pas été super du côté des Remparts de Québec. Faut vraiment noter là, une bonne performance des Titans d'Acadie Batters qui ont sorti un gros match devant une foule, devant une mauvaise foule. Du côté des Remparts, maintenant, au cinquième match, on a rebondi très, très fort dans le quatrième match. Victoire de 7 à 3 des Remparts de Québec sur le Titan d'Acadie Batters. Un total de 4 buts en troisième période. C'est excellent pour les Remparts. Donc, on menait à ce moment-là la série 3 à 1. Et on se transporte du côté de Québec devant 11 000 spectateurs. Les Titans qui ne l'ont pas trouvé facile là, du côté de Québec. Donc, les Remparts, encore une fois, qui l'emporte avec seulement un but de plus, 6 à 5 sur le Titan d'Acadie Batters. C'est une poussée de 3 buts en troisième période qui ont fait la différence. 2 buts de Mikael Tam et 1 de Stefanovic. Donc, ça a bien été là, du côté des Remparts. Antoine Tardif avait été nommé le gardien partant lors du cinquième match par Patrick Roy avec les mauvaises performances de Louis Domingue dans les dernières parties. On avait décidé de faire confiance au vétéran de 19 ans, Antoine Tardif, mais finalement, n'a pas fait long feu. Après seulement une période, on l'a remplacé encore une fois par Louis Domingue. Donc, je vous dirais que du côté des gardiens de but à Québec, ça fait pitié. On dirait que c'est difficile. On a quand même 2 très bons gardiens, mais si on le sait, hein, c'est comme avoir 2 très bons gardiens. Des fois, ça peut virer entre avoir deux gardiens qui vont pas super bien. Puis c'est qu'est-ce qui se passe en ce moment du côté des Remparts. On a un jeune gardien et un vétéran. Puis je te dirais que des deux côtés, on ne fournit pas la marchandise là, en série éliminatoire. Ouais. Donc, les Remparts qui l'ont emporté 4-1 dans la série. Dans le dernier match aussi, on peut noter là les avantages numériques qui ont été très importants dans le match. Les Remparts, 5-9 dans le dernier match et Batters 4-7. Donc, 9 buts ont été comptés en avantage numérique dans le match sur une possibilité de 11. Donc, on voit vraiment que le match s'est joué dans les unités spéciales. Dans les bonnes performances côté des Remparts, on pense à Jonathan Audi-Marchessault qui est en ce moment le deuxième marqueur des séries éliminatoires avec 3 buts, 8 passes, 11 points. Donc, Audi Marchessault qui a souvent joué dans l'ombre de Ryan Bourque, de Stefanovic et de Kougrichev. Mais je te dirais que c'est un très bon joueur qui travaille très, très fort. Et on a pu voir enfin là, vraiment de... Le voir sortir son talent. C'est en plein ça. Du côté de Dimitri Kougrichev, 4 buts, 5 passes. Ryan Bourque, 3 buts, 6 passes. Et Stefanovic, la machine à Mikael qui s'est remis en marche. Ouais, c'est ça. Dans les 3 derniers matchs de la série, 3 buts, 6 passes pour mon cher Mikael Stefanovic. Donc, il n'y aura pas besoin de retourner en Biélorussie, comme Patrick Roy l'avait dit. Et du côté des Titans d'Acadie Batters, Éric Foy, 2 buts, 6 passes, et un ancien des Remparts, David Gilbert, qui a fait beaucoup mal aux Remparts pendant la série. Lui qui a amassé quand même 5 buts, 2 passes. Vas-y avec les prédictions qu'on avait dit la semaine passée. Alors, pour cette série-là, mon cher Pierre-Luc, dans nos séries, on avait tous dit Québec en 5, donc tout le monde là, félicitations. Félicitations à nous. Oui. Donc, on est maintenant rendu à 5 points chaque. On est tout égal. Là. Ouais, 5 points chaque. C'est serré. Donc, dans le match entre Rimouski et Chicoutimi, dans la série entre ces deux équipes, on se transportait du côté de Chicoutimi pour le troisième match. C'était 1-1 dans la série. Non, c'était 2-0 pour l'Océanique. Finalement, les Signéens qui sont allés chercher un gros match important à la maison, Star George Vezina. 6-2 pour les Signéens de Chicoutimi. Encore une fois, on peut noter une mauvaise foule. Seulement 1955 personnes se sont rendus au Centre Georges Vézina. Ouais, faisait pas beau, par exemple, mardi. Faisait pas beau mardi, mais crime. Faisait pas beau mardi. C'était pas la tempête du siècle, là, Nico. Là. Ouais, mais il n'y a pas neigé de l'hiver, fait que le monde sont frileux, là. C'est sûr, mais moi, en tout cas, ça m'a. Même le lendemain, 2075, il y avait mercredi, il faisait beau. Oui, c'était mieux mercredi. Ouais, puis on a parlé, là, plusieurs joueurs des Saguenayens ont dit dans le journal qu'ils étaient déçus de voir que les leurs partisans n'étaient pas venus les encourager. Puis ils espéraient, là, lors du sixième match, avoir plus de gens. Et ils ont eu plus de partisans aussi. Et probablement que ça a changé de quoi aussi dans la série. Donc, dans le quatrième match, l'Océanique, ils l'ont emporté 4-2. C'était 3-1 pour l'Océanique dans la série. Et on se transportait maintenant du côté de Rimouski. Alors que l'Océanique tentait d'en finir avec les Saguenayens. Et non, on s'est transporté en prolongation. Les Saguenayens qui l'ont finalement emporté, c'est Roch Reginbald qui a été le marqueur en prolongation. Donc, victoire des Saguenayens. Surprise, 6-5 pour les Saguenayens Chicoutimi. On retourne du côté du centre Georges Vézina. Et cette fois, c'est devant 3180 personnes. Donc, ça a fait une différence, ben, je pense, d'un coup, c'est ça, ben, c'était 2-0, hein, Rimouski. C'était 2-0, c'est ça. On donc donnait pas cher de la peau. C'est ça, mais finalement, les Saguenayens qui réussissent tout un tour de force, alors qu'ils l'emportent finalement 4-3 dans le sixième match. Et c'est serré entre les deux équipes. C'est ce soir, le septième match de la série, ça aura lieu au Colisée de Rimouski. Donc, ça va être très, très, très intéressant à suivre ça ce soir. Je vous dirais que les Saguenayens, là, en remportant cette victoire-là, vont réussir presque l'impossible, alors qu'ils perdaient 2-0 et 3-1 dans la série, vont finalement là, être capables de remonter. Du côté de l'Océanique, Peter Straka est la grande vedette en ce moment de la série. Il a en ce moment 3 buts, 8 passes et ça va très bien pour lui. Du côté de Chicoutimi, Alexis Piette, 1 but, 10 passes. Et Antoine Roussel, 4 buts, 5 passes. Donc, ça va très bien de leur côté. Les gardiens de but, Mathieu Dopud et Robin Gus, sont d'office pour le match de ce soir. On se transporte. Ben, la série, ça c'était, on avait dit quoi? En prédiction, écoute, t'avais dit Rimouski en 7, j'avais dit Rimouski en 6 et Sébastien Proulx avait dit Chicoutimi en 7. Donc, il y a un de vous deux qui va toucher 2 points. Ben, ce soir. Moi, je vais vous dire franchement, je conserve ma prédiction. Ouais. Je crois que l'Océanique va rebondir ce soir. Je pense qu'ils ont beaucoup de meilleurs éléments pour remporter cette victoire-là. On pense à Félix Lefrançois, à Peter Straka. Donc, moi, je crois que l'Océanique remportera le septième match ce soir du côté de Rimouski. Toi aussi, Nicolas? Oui, moi aussi, Rimouski. Je suis très d'accord. Rimouski, donc parfait. On se transporte maintenant du côté de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors que les Huskies de Rouyn-Noranda affrontaient les Foreurs de Val-d'Or. Et donc, c'était 2-0. Donc, c'était 1-1 après les deux premiers matchs. On se transportait du côté Val-d'Or. Un match, un petit match défensif, je vous dirais. 1-0 pour les Huskies de Rouyn-Noranda sur un but de Antoine Quévillon. Donc, 2-1 dans la série pour les Huskies. Ensuite de ça, Val-d'Or ont emporté le quatrième match pour mettre la série 2-2. On se transportait maintenant du côté de Rouyn-Noranda. Et là, explosion de l'attaque des Huskies de Rouyn-Noranda. 4 passes pour Sergei Ostatchuk. Pierre-Luc Giguère, 3 buts. Ça donne un total de 9-4 pour les Huskies de Rouyn-Noranda. Là, on a vraiment mis les pions à bonne place, comme on dirait. Puis les bons éléments des Huskies se sont réveillés. Et au sixième match, ça a été une toute autre chose. Encore une fois, les Huskies qui l'ont emporté facilement 5-1 sur les Foreurs de Val-d'Or et les éliminent du même fait. Donc, Jordan Caron et Philippe Cornette, les deux C se sont réveillés lors du sixième match pour faire 2 points chacun dans la victoire. Jordan Caron est en ce moment le premier marqueur des séries éliminatoires avec 6 buts, 7 passes. Donc, 13 points pour Jordan Caron en espérant que ça se continue de cette façon. On se transporte maintenant du côté de Gatineau et Montréal. Donc, pas fini celle-là. C'est pas fini encore. C'est une autre série très, très serrée. Les juniors de Montréal qui venaient 3-1 après 4 matchs. On se retournait du côté de Montréal pour jouer le cinquième match et en terminer peut-être avec les Olympiques de Gatineau. Mais non, les Olympiques qui ont réussi à remporter le cinquième match par la marque de 3-2. Pour le sixième match, on se transportait du côté de Gatineau et ses débuts en avantage numérique de Johan Piette, Non, Johan Pinette, désolé. Donc, 2 buts en avantage numérique, 4-1 pour les Olympiques de Gatineau. Encore une fois, 7e match ce soir. C'est du côté de Montréal. Et moi, de par exemple, pour cette série-là, je favorisais les Olympiques de Gatineau. Et je conserve ma prédiction pour ce soir. Les Olympiques vont aller remporter le match à Montréal. Pourquoi? Parce que je crois que Maxime Clermont et Jean-François Bérubé dans les buts, c'est ça la différence, je vous dirais. C'est vraiment les gardiens de but. On a quand même Bérubé qui est peut-être pas à la hauteur, contrairement à Maxime Clermont, qui est probablement un des meilleurs gardiens de but en ce moment de la Ligue. Eh bien, moi, j'avais dit Montréal en 7 et je garde ma prédiction. Montréal va l'emporter ce soir grâce à le match qui se dispute dans leur domicile et Bérubé qui va sortir une bonne partie, à mon avis. Bon, ben, on vérifie ça la semaine prochaine. Maintenant, du côté des Maritimes, Saint-Jean qui l'ont emporté facilement dans la série par 4-1. Dans le dernier match, ils ont carrément planté 7-2. Jonathan Huberdeau, un jeune de 16 ans, 3 buts, une passe. Je vous dirais que ça va très bien pour ce jeune. Oui, hein? C'est le fun quand les jeunes se lèvent puis prennent la place. Faut que tu te fasses offrir le spot, là, mais ben, quand ça. Tu l'as, go. C'est ça, go for it. Les Sea Dogs, voyons, les Rockets de l'île du Prince-Édouard ont seulement 4 buts dans les 3 derniers matchs, contrairement à 9 buts dans les 2 premiers. Donc, le Rocket de l'île du Prince-Édouard, là, ont eu une panne sèche du côté de leur offensive et ça n'a pas porté fruit. Donc, victoire de 4-1 des Sea Dogs de Saint-Jean. On avait dit quoi du côté des prédictions? On avait dit Saint-Jean 5. Saint-Jean 5. Donc, toi et moi, nous avons raison là-dessus. Félicitations. Hey, on est fort, hein, sérieux? Pourquoi on n'a bon. pas été à Vegas? Ouais, c'est plus facile que le March Madness. Pas à peu près à parler ouais, de ça. Donc, dernier match maintenant, dernière série, les Wildcats de Moncton qui affrontaient les Screaming Eagles. On s'attendait de ces séries-là probablement comme une des meilleures. Ouais. Finalement, ça n'a pas été le cas du tout. Les Wildcats de Moncton qui ont perdu finalement le troisième match, qui ont gagné le troisième match en prolongation, ont perdu le quatrième match, les Screaming Eagles qui ont joué avec l'énergie du désespoir, l'ont emporté 4-1 au Cap-Breton. C'était 3-1 dans la série, mais on s'est transporté du côté de Moncton. Et les Wildcats qui l'ont emporté 4-0. Donc, blanchissage pour monsieur Nicolas Riopel. Ça va très, très bien de son côté. Et donc, Casey Tessier a été la grande vedette, je vous dirais, de la série. 4 buts, 4 passes, 8 points. Et je trouve que le Screaming Eagles du Cap-Breton ont payé très, très cher pour finalement même pas faire une ronde en série. Alors, on est allé chercher des gros joueurs comme Luc Adam, Jacob Lagacé. Et ces gars-là, en passant, n'ont pas gagné une série à vie dans la Ligue junior majeure du Québec. Ouais, okay. Oui, c'est ouais. des excellents joueurs. Luc Adam, Jacob Lagacé, je te l'accorde. C'est des joueurs de 19 ans, puis ils n'ont pas encore remporté aucune série en séries éliminatoires. Ouais, non, je comprends ton point. D'un autre bord, est-ce qu'ils se sont fait offrir la chance d'en gagner une? C'est différent. Non, c'est ça. Il n'y avait pas les équipes pour. Mais pour remporter oui, en effet, je ne comprendrais jamais pourquoi Cap-Breton a été cherché aussi cher que ça. Surtout quand tu sais que tu as deux gros clubs. T'as Moncton, Saint-Jean à côté de toi qui vont te chauffer les c'est fesses. Ça, hein. C'est ça. Donc, surtout de la façon que les séries sont faites. Ouais. Si ça aurait été l'an prochain, ça aurait été différent parce que probablement que Cap-Breton aurait fait plus de chemin en séries éliminatoires. Exactement. À ce moment-là. Du côté des prédictions? Ben écoute, je l'ai. Moncton en 5. Donc, Moncton en 5, félicitations. Félicitations de mon côté, c'était Moncton en 6. C'était Moncton en 6 pour PL et Seb avait dit Moncton en 4. Donc, ça en passait proche pour Seb. Oui, mais ouais, c'est encore moi qui l'ai. Félicitations. donc, on passe déjà pour la deuxième ronde des séries éliminatoires. Deux séries sont assurées pour le moment. Tout d'abord, une série très, très, très attendue entre les Remparts de Québec et les Tigres de Victoriaville. Ça va être une très, très bonne série. J'ai hâte de voir ça. Je te dirais que c'est deux équipes qui m'ont déçu beaucoup en première ronde des séries. Les Remparts de Québec qui ont donné pas cher de la peau des Titans. Finalement, ouais. Ça a été tout le contraire. Les Remparts qui ont été coussi coussa. Et même chose pour les Tigres de Victoriaville. Je pense qu'on s'attendait à des meilleures performances de eux en première ronde. Et ça n'a pas été du tout le cas. Donc, je vous dirais que c'est deux équipes qui m'ont déçu beaucoup, qui s'affrontent en deuxième ronde. Quand même, mon cœur est avec les Remparts, mais ma tête est avec l'Éthique de Victoriaville. Je crois vraiment que l'Éthique de Victoriaville vont l'emporter. Je crois en 6 matchs du côté du Colisée Pepsi. Ils vont venir casser la baraque à Québec lors du 6e match. Et en passant, la série commence ce vendredi au Colisée Pepsi. Donc, ça aura lieu vendredi, samedi au Colisée Pepsi. Et lundi, mercredi, au Colisée des Jardins de Victoriaville. Ben, je dis la même chose que toi, moi aussi. En 6 matchs, Victo va aller chercher ça. Bon, merci de m'imiter, Nick. Ben, écoute, c'est plus facile dans ce temps-là, tu sais. Ben, gars, je regarde mes résultats en première ronde, puis je me dis, gadon, c'est moi qui ai raison. Ben, c'est sûr que si tu conserves les mêmes choses que nous, ben, tu vas finir par gagner. Non, mais moi, oui, en effet. Ouais, ça, je gagnerais, mais c'est pas mon intention. Je suis un compétitif. Parfait. Donc, deuxième série qui en ce moment assurée oppose les Huskies de Rouyn-Noranda aux Wildcats de Moncton. Faut faire attention à cette série-là, Nicolas, puisque avec la grande distance qu'on a à faire entre les deux, comment ça fonctionne avec une série comme ça. Les deux premiers matchs sont présentés à Rouyn-Noranda. Le match numéro 3, numéro 4, numéro 5 sont présentés du côté de Moncton. Et les deux derniers, donc le 6e et 7e, est présenté à Rouyn-Noranda. Donc ça peut changer l'allure d'une série. Ça, c'est certain. Mais je crois quand même qu'avec la perte de Patrice Cormier, les Huskies de Rouyn-Noranda seront pas capables d'aller battre les... j'allais dire les putains, les très bons Wildcats de Moncton. T'allais dire quoi? Les putains de Wildcats. Non, mais... Non. Mais c'est pas grave. Écoute, donc, c'est ça. Toi, qu'est-ce que t'en penses? Moncton en 5. Moncton en 5? Ouais. OK, moi, je vais y aller pour Moncton aussi, mais peut-être en 6. OK. On va peut-être aller jouer un petit dernier match là, du côté de Rouyn-Noranda avec un long voyage. Et pour l'autre série, Seb Proulx dit Victo en 5. OK. Donc, parfait, ça. Ça fait du bien d'avoir de quoi différent. Ouais, de quoi différent. Pour les deux autres séries, c'est pas encore assuré. On sait bien sûr que les Sea Dogs de Saint-John et les Vultures de Drummondville sont classés. Mais on ne sait toujours pas qui ils affronteront en deuxième ronde, puisqu'on le sait, deux septièmes matchs auront lieu ce soir. Tout d'abord, les Saguenay-Chicoutimi contre l'Océanique de Rimouski et les Olympiques de Gatineau face aux Juniors de Montréal. Donc, du côté de Saint-John, on affronte soit les Saguenay-Chicoutimi ou le gagnant de Gatineau ou Montréal, tout dépendant aussi qui remporte les matchs de ce soir. Du côté de Drummondville, on affronte soit l'Océanique de Rimouski et ou Gatineau ou Montréal. Donc, On va pouvoir faire nos prédictions cette semaine. Seulement cette semaine. Les communiquer la semaine prochaine. Je pense que ça serait intéressant de voir une autre série, le Voltigeur et Océanique. On sait l'Océanique qui ont été éliminés l'an dernier là, face à ces mêmes Voltigeurs. Du côté de la Coupe Mémorial et même en séries éliminatoires. Donc, ça va être intéressant à suivre là, du côté de l'Océanique. Petite note avant de terminer, Nicolas. Oui, rapidement. Record d'assistance dans 4 villes de la LHJMQ cette année. OK. C'est 4 villes que j'aime beaucoup. Tout d'abord, Québec, qui cette année a eu le plateau des 410 981 spectateurs. C'est le premier club à vie à atteindre le plateau des 400 000 amateurs dans une année. Donc, félicitations à la formation des Remparts de Québec qui réussissent encore une fois à aller chercher d'année en année de nouveaux billets de saison et de nouveaux partisans à tous les matchs. Et plus d'argent dans le portefeuille, M. Patrick Roy. Ben, c'est certain. Pas Patrick Roy, plus c'est Tanguay, je vous dirais. Patrick Roy, lui, fait de l'argent directeur pas mal général et il est actionnaire. Il est actionnaire aussi, là, Patrick Roy. Probablement, mais je vous dirais que c'est pas mal plus les Tanguay là, qui ont l'argent et... monsieur... je serais curieux de savoir là, qui a le... pourcentage, etc. Oui, c'est ça. On pourrait s'informer. Ouais, on regardera ça. Mais ensuite de ça, Shawinigan qui ont battu un record d'assistance, on le sait, c'est certain. Avec le nouvel amphithéâtre. Dans toute l'année, l'année passée, ils avaient joué au Centre Bionesse, mais seulement en fin de saison. Donc cette année, ils ont battu un record. 109 176 spectateurs ont passé les tourniquettes du Centre Bionesse. Aussi record à Drummondville, 95 300 210 personnes et un autre record du côté de Victoriaville. Donc, on peut pas dire qu'à Québec, dans le centre du Québec, Mauricie, je pense que le hockey junior majeur est en expansion. Ça va bien. S'il y a eu des années de vache maigre, là, c'est changé. Cette année, c'est une des grosses années, je dirais. Même du côté de Shawinigan, on n'était pas dans les grosses équipes. On a réussi à amener plus de monde. Donc, félicitations à ces quatre équipes, là, à ces quatre formations qui ont du succès du côté des tourniquettes. Exactement. Donc, on s'en va une pause. Au retour, on va parler quelques petites nouvelles, tout ça. Et JP Grenier devrait se joindre à nous pour parler du March Madness vers 10h30. Vous écoutez la conduite de partie sur les ondes de C'est fou. R. Vous êtes à C'est fou 89.1. Vous êtes assez Nounou! Il y a un chandail ici là, que je peux plus sentir, qui m'écœure. Le numéro 13, là, décroche-moi ça tout de suite. Personne s'en sert à soir. Le conduit de partie. In music, man. Yes! To one and all out there, if you don't see right now, I drop this one in the original Bad Boy Crimson stand. So step up! C'était Grimmskog avec la chanson Check-moi bien aller. Nous sommes l'inconduite de partie. Donc, pour nous joindre, inconduitedepartie.com. Puis, à Luc Giroux, Nicolas Duchamp derrière le micro pour vous divertir, vous amuser et vous faire plaisir du bien. On est comme un massage sans l'huile lubrifiante. Donc, on y va un peu avec une nouvelle locale de sport. Pierre-Luc, les estacades Midget 3, qu'est-ce que ça donne? Oui, cette semaine, il n'y a pas d'erratum. Les estacades de Trois-Rivières sont bel et bien éliminées Malheureusement, ils ont perdu contre les Commandeurs de Lévis 4-0 dans le dernier match. Donc, du même fait, perdre la série 4-1. Et donc, ça va à l'année prochaine. Malheureusement, on ne pourra pas se présenter à la Coupe Dodge qui sera disputée à Magog. Donc, malheureusement, les Estacades sont éliminées. Mais là, je vais te poser la question. J'ai l'impression que tu ne le sais pas. Mais les équipes qui vont être à Coupe Dodge, dans le fond, c'est des, toutes les équipes Midget 3. Fait que tu vas comme avoir un trophée pour les équipes qui ont été éliminées de bonne heure, puis un pour le championnat, la Coupe TELUS, dans le fond. Ouais, la Coupe TELUS, ben, dans le fond, c'est les champions. Dans le fond, cette année, c'est les Commandeurs de Lévis, je pense, qui reçoivent la Coupe TELUS. Ah, ça se peut, là, tu me... Soit c'est à Lévis. OK. Donc, ils seront l'équipe hôte. Donc, je pense qu'ils pourront participer peut-être aux deux coupes, là. Je te dirais que je suis pas très, très au courant de comment ça fonctionne de leur côté. Je trouve ça bizarre un peu. Mais si c'est ça, c'est bien sûr qu'on donne deux trophées, là. T'acceptes que ta ligue a deux trophées, elle ira pas à Coupe Dodge, à moins qu'il y ait des équipes d'ailleurs. Ben, Coupe Dodge, c'est provincial, donc... Je veux bien, mais ça reste du Midget 3A. Il y aura pas genre des équipes Midget 2A de la Gaspésie qui vont venir jouer contre Midget 3A. Non, c'est sûr, mais ça reste du Midget 3A, comme tu dis. Mais ils vont remporter quand même le championnat provincial sans aller au championnat canadien. Ah, oh, c'est niaiseux. Collège La Flèche! Mais c'est fait demain. Ouais, je le sais. Collège La Flèche, ils étaient en action pour deux matchs en fin de semaine. Premièrement, ici même à Trois-Rivières, ils l'ont emporté 4-3 contre Sorel-Tracy. Ça s'est terminé en fusillade, donc félicitations à eux. Et ils affrontaient le cégep Landry-Laurando à Montréal. Là-bas, ça s'est terminé 12-4 pour La Flèche. Donc, c'est ce qui conclut la saison du côté des Dragons. Masculin. Au niveau du classement, bon, ben, félicitations à eux. La Flèche termine au deuxième rang. 20 victoires, 8 défaites, 40 points en 28 matchs. Ils vont donc entrer dans les séries. Et les séries, bon, ben, c'est un, ce qu'on appelle un round robin, un tournoi à la ronde. Donc, la première partie va être disputée, c'est le 2, donc le 2 avril. Qui se trouve à être... T'as-tu ton calendrier, toi? C'est vendredi, là, en vrai? Je sais pas, je suis mélangé un peu. Oui, t'es sûr? C'est là? Bon, oui. 2 avril, vendredi. Avril, jeudi. Exactement, donc ils vont affronter le collège Harrington. Ça va être ici même, à La Flèche, c'est à midi. Donc, les matchs de première ronde se font toutes ici, à Trois-Rivières. Donc, soit au collège de Trois-Rivières ou au pavillon Claude-Mongrain. Donc, à midi, le match entre Harrington et La Flèche, et après midi et 15... Saint-Laurent contre Denegrou à 15h. Bon, blablabla, il y a d'autres matchs. Donc, si vous voulez aller voir du bon hockey, allez voir ça. Allez, on va aller en musique. On va aller écouter La Pâte à Rose avec la chanson Décapote. Au retour, on vous parle de quelques petites nouvelles locales et moins locales, dans le fond, donc un peu partout. Vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est fou. Si tu montes, je monte. pas, hein. La plus petite affaire, puis je vous sors de la game. Je veux du jeu propre, je veux pas de troupe, puis je vous suspends tout. Ouais, écoutez l'hymne national! Le conduit de partie. Chante bien, hein? Ouais. Puis là, que regarde, j'ai le micro ouvert. J'espère que non. Oui, j'ai les ouverts. Allez, on continue sur les nouvelles. Les nouvelles, deux petites nouvelles locales. Bon, premièrement, les Corons et Gays, c'est terminé pour eux. Ils sont officiellement éliminés des séries après une très bonne saison, un très mauvais round robin, un très mauvais tournoi à la ronde est venu anéantir leur chance d'avancer plus loin dans les séries de la Ligue nord-américaine. Donc, c'est terminé pour eux. Autre nouvelle que j'ai appris, écoute, c'est une nouvelle qui date du début du mois, mais que j'ai découvert très récemment. Formule Atlantique, le Grand Prix de Trois-Rivières, c'était que ça en vient. Bon, ben, ça faisait 2 ans qu'on avait la Formule Atlantique qui était de retour. C'est terminé, la série est morte ou presque, là, dans le fond. Il n'y aura pas de série cette année. Quand tu arrêtes une année, d'habitude, tu ne reviens pas. Là, donc, c'est pas mal terminé, faillite technique pour la série. Donc, il ne sera pas de retour ici à Trois-Rivières. C'est dommage parce que ça faisait plusieurs années. Bon, il y a des années qui n'ont pas été ici, mais souvent, écoute, il y a des Gilles Villeneuve, Michael Andretti, Jacques Villeneuve, coursés ici grâce à ça, Alex Tagliani, Patrick Carpentier, qui ont visité Trois-Rivières grâce à la série Atlantique. Donc, mais c'est dommage. Oui, c'est ça. Mais avec la série IndyCar, l'IndyCar, l'ISA d'IndyCar, pour dire le commanditaire, qui met tous ses investissements sur la série Indy Lights, qui est comme la Ligue américaine de l'IndyCar. Bon, ben, malheureusement, on a coupé les vivres un peu de l'Atlantique. Il y avait beaucoup moins d'automobiles. Fait que le circuit du Grand Prix de Trois-Rivières. Ah non, ça se continue. Par contre, la NASCAR Canada, qui est un très beau succès en tant que tel depuis quelques années, est devenu un peu l'épreuve, ce qu'on appelle la feature, c'est-à-dire l'épreuve maîtresse de plus en plus de Trois-Rivières. On va aussi avoir d'autres séries comme la Star Mazda, comme la Grand-Am Continental, en tout cas, d'autres séries des Porsche puis des choses comme ça. Donc, on va voir à ça ce que ça va donner. Je me suis entretenu avec le directeur général du Grand Prix de Trois-Rivières qui me disait ça, on tente toujours d'aller chercher d'autres séries, mais ça regarde un peu mal. Là. C'est un peu tard, les calendriers sont sortis. Gala UFC, c'était en fin de semaine. T'as-tu pogné ça? Tu regardais ça? Un peu, ben c'est vrai que je travaillais, donc je pouvais pas vraiment le regarder. C'est sûr que je pense que beaucoup, je me suis fait dire par après que Georges St-Pierre avait remporté, mais ouais, ben, écoute, pas plus que ça, j'ai pas écouté vraiment. Je vais te dire les résultats. Premièrement, St-Pierre a totalement dominé son combat contre l'Anglais Dan Hardy. On savait tous que ça allait faire ça. La seule chose qu'on s'attendait pas, c'est que Hardy soit fait en élastique. Par deux reprises, il aurait dû abandonner, le bras tordu puis tout, puis non, mais il voulait pas abandonner. Ben, je vais citer le commentateur du gala en tant que tel qui a dit la chose suivante. Saint-Pierre serait mieux d'essayer de knocker Hardy parce qu'il aurait bien beau y casser le bras, Hardy il abandonnera pas. Donc, sans disons là-dessus. Saint-Pierre qui, après le combat, s'est mis à s'excuser parce qu'il disait qu'il avait pas eu d'une bonne performance. Arrête, là, Georges. Gars, là, tu l'as dominé de bout en bout. Là. Arrête, OK? Félicitations. Puis prends. Ah, lui, il voulait vraiment le faire soumissionner. Donc. Ouais, ben, il voulait que ça se termine plus rapidement. C'est pas grave, au prix que ça coûte, louer ça. J'étais content. Moi, que ça dure 5 rondes et non pas juste un round. Dans les autres résultats, Shane Carwin est devenu le champion intérimaire des lots. Il a défait Frank Mir au premier round en emportant par KO technique. Par contre, en étant intérimaire, il va devoir affronter le champion, le vrai champion en tant que tel, qui fait un petit bout et pas pu se battre. Brock Lesnar a été malade et tout ça. Après le combat, Brock a embarqué dans l'octogone et est venu dire à Shane Carwin, il dit, c'est bien beau ta ceinture, mais c'est une ceinture de pacotille. La vraie ceinture est chez moi présentement, puis on va s'affronter. Donc, t'es un petit baveux, ça, Brock Lesnar. Et que oui, c'est le méchant garçon de la UFC. Donc, vraiment. Donc, que je ne l'écœurerai pas. Non. Oh non, il est gros. Ah, qui est gros, ça n'a pas de ça. Moi, je l'ai connu dans le temps de la lutte. Ouais, ben c'est ça. Mais sauf que c'est un champion de lutte, lui, collégial, là, aux États-Unis, a vraiment. Vraiment très dominant, je pense, un All-American ou presque là. Donc, d'autres résultats, bon ben John Fitch a battu Ben Saunders. Et on peut aussi parler de Nate Diaz qui a battu Roy Markham. Donc, il y avait d'autres combats, c'est ça pour cela. Hey, petite nouvelle bien triste. Les Chiefs de Johnstown, qui sont un peu le Johnstown, ça se trouve à être dans Slapshot, Charlestown, OK? Tu sais, la fameuse ville que les Chiefs jouent. Ouais. Bon, ben, c'est Johnstown en Pennsylvanie. C'est juste qu'ils appellent ça Charlestown dans le film, tout ça, mais c'est tout tourné là. Et les Chiefs, en tant que tels, c'est les Jets de Johnstown. C'est les mêmes chandails. Regardez sur Internet, vous allez voir ça. Eh bien, après plusieurs années avoir joué là dans la East Coast Hockey League, c'est terminé pour eux. Ils vont déménager à Greenville, plus au sud aux États-Unis. Donc, c'est le genre de petite ville ouvrière où rien va bien. Un peu comme Shawinigan, ça me fait penser à ça. Plus gros, par contre, là. Ben, c'est un peu comme Trois-Rivières, là. Ville industrielle, sur le bord de la rivière, puis tout ça. Donc, c'est terminé pour les Chiefs de Johnstown. C'est dommage, parce qu'il y avait encore du hockey dans le vieux shack, dans la vieille grange, comme dans le film, tout. Pis, comme dans c'est le bon pareil, temps. Comme dans le temps des Deschores. Des Deschores. Donc, c'était une petite nouvelle comme ça. Et donc, c'est ça. C'est pas mal ça. Écoute, on va aller à une pause. Au retour, JP Grenier va être avec nous. On va parler du March Madness. On va regarder tes prédictions, voir si t'es encore meilleur que nous autres, Pierre-Luc. Oui, certainement. Vous ça êtes... va me faire plaisir de regarder ça avec vous. Parce que tu sais que t'es meilleur que nous autres, hein, c'est ça. Hein? T'es chanceux, pas mal. Vous écoutez les conduites de partie sur les ondes de C'est fou. C'est fou, c'est fou. C'est fou, c'est comme arroser son asphalte. 89. Vous voulez bien me dire ce que vous faites là? Ben, on se met du foil. Ça protège les mains. Ouais, t'en veux-tu? Le conduit de partie. Et c'était Queens of the Stone Age avec la chanson No One Knows. Donc, on va se mettre à parler de foot, de basketball collégial. JP? Oui. Coach JP, comment il va? Il va bien. Comment va ta braquette? Il va très mal. Comme tout le monde. Comme tout le monde. Écoute, comme tout le monde. Écoute, je pense que toi, il te reste une équipe. Oui, il me reste une équipe, oui. Bon, ben... Et toi? Non, j'ai rien dans le Final Four, les gars. J'ai aucune équipe. J'avais Kansas, puis tu sais, je me disais Kansas, c'est un choix sûr quand même. Non. J'avais Pittsburgh. Bon, Pittsburgh, c'était ma soupe. Non. J'avais Kentucky, tu sais, Kentucky avec le... Non, West Virginia, ils ont battu. Et j'avais Villanova qui... les dons. Qui se sont fait sortir par St. Mary's, qui est probablement le meilleur call de Pierre-Luc sur la semaine dernière. Hein? Saint Mary sur... certainement. Sur Villanova, qui a été totalement par hasard et qui l'a eu. Donc, félicitations à lui. Non, moi, vraiment, j'ai pas aimé ma fin de semaine en tant que telle. Hey, parle-nous de ce qui s'est passé, justement, dans ce March Madness. Ben là, c'était le Sweet 16. Oui. C'était les 16 dernières équipes. Non, elle est Elite 8, pardon. C'était les 8 dernières équipes. Ben, t'avais les deux, mais on va pas parler du Sweet 16. Là. C'est un peu long, donc avec le peu de temps qu'on a, on va parler des 8 dernières équipes. Vas-y, bon, c'est bon. Les dernières équipes qui restaient, vite de même, il y avait Michigan State, on avait Tennessee, Butler, Kansas State, Kentucky, West Virginia, Duke et Baylor. À moins d'une grosse surprise, là, on s'attendait à ce que, par exemple, Michigan State l'emporte pour qu'il y ait une quatrième fois dans les 10 dernières années, je pense, au Final Four pour les Spartans. On s'attendait à ce que Kansas State l'emporte facilement contre Butler, ce qui n'est pas arrivé du tout. On s'attendait à ce que... Non, vraiment pas, hein, non, Butler... C'est exactement la grosse surprise de cette année. Ben, j'aimais pas Syracuse, mais je m'attendais pas à ce qu'ils fassent ça, là, autant que ça. Absolument, quand ces équipes-là, ils gagnent un match gros, comme, mettons, quand ils ont gagné comme Syracuse, on rentre sur un petit nuage, puis... Ça retombe vite au match d'après. Là. C'est ça qui arrive. Mais là, non, c'est ça. Ils ont très bien joué contre Kansas State. Une petite équipe. Ils sont le fun d'avoir joué. Puis ce qui est le fun, c'est qu'ils viennent de l'Indiana. Leur campus est comme à... Je pense qu'il est à 15 minutes du stade où ils vont jouer la finale. OK. Fait que pour ça, ça va être vraiment le fun de voir tous les fans se déplacer. Ben oui, hein? On a aussi Kentucky qui, bon, si on veut, c'est une surprise qu'ils ont perdu contre West Virginia. Ben non, je suis pas prêt à dire une surprise. C'est un contre deux. Donc ouais, c'est ça. Ça prenait n'importe quel bord, puis le match était serré. Donc, écoute, moi, je prenais pour Kentucky, mais de toute façon, ma braquette était déjà finie. Donc, ouais, c'est pas bien grave. Busté, comme on dit. Exactement. Et finalement, Duke a longtemps porté contre Baylor. Match serré encore une fois. Moi, Duke, c'est mon équipe, j'ai eu peur un peu, sauf que avec tous ces gros noms, ces grosses écoles-là qui tombaient, j'étais là, ouais, tant qu'à ça, Duke vont tomber aussi, c'est bien parti pour ça. Mais finalement, elles l'ont emporté, donc c'est intéressant à suivre en fin de semaine. On est loin de l'an dernier où est-ce que les quatre équipes classées premières avaient atteint les finales. Là. Non, c'est ça, c'était facile l'an passé, puis même ça, je pense que l'an passé... J'avais même pas mis les quatre premières parce que je m'étais dit, ça arrivera pas quand même tous les années. Jamais. Finalement, c'est ça qui est arrivé. Tu sais, la personne qui va parier ça, tu te fais traiter de pas de couilles pendant un bout, là. Tu sais, commande, essaye de quoi ou non, mais tu sais, ça a payé là, en tant que tel, là. C'est ça. Puis, pour la fin, là, Pierre-Luc, qu'est-ce que t'avais dans les quatre derniers? Je m'en souviens plus, là. Vas-y. Moi, j'avais West Virginia, donc j'en ai un qui se rend dans le Final Four. J'avais St. Mary's, qui était mon grand coup, comme on dirait. J'avais Kansas et Brigham. Donc, Kansas qui n'a pas fait long feu, je crois. Et Brigham qui n'est pas probablement... qui était classé septième dans son pool. C'était une autre chose que j'avais essayé. Mais Brigham c'est BYU, dans le fond. OK. Non, c'est Brigham Young University. Je te fais ton éducation, vu que veux pas. Ouais, c'est... Ça me prend ça, s'il vous plaît. Ouais, non, mais c'est ça. Puis, c'est ça qui est intéressant. On a parlé, mais avec ces pools-là, c'est que... Monsieur n'importe qui peut avoir de très bons résultats comme Pierre-Luc nous démontre en tant que tel présentement. Non, mais c'est ça. Là, à toutes les années, les experts sont déjoués. Puis encore cette année, c'est en garde. Ça a été la preuve vivante. Donc, écoute, moi, mes Duke, je l'avais dit, garde, miser sur eux, c'est la bonne équipe à prendre. Garde, ils sont là. Puis même, j'avais dit, prédiction de même, j'avais fait Tennessee, je les voyais loin. Je pensais même qu'il allait battre Michigan State, ce qui n'est pas arrivé parce que là, Michigan State n'avait pas leur meilleur joueur, Lucas. Il est revenu, là, ou? Il n'est pas revenu, là. Il est out pour indéfini. Là. Ah oui, OK, c'est fini, lui. Exactement. C'était Syracuse qui avait leur centre, leur grand centre de blessés aussi. Est-ce qu'il a joué en fin de semaine, ou? Non, ça n'a pas pogné à temps. Ça n'a pas aidé contre Butler, là. Non, ça n'a pas pogné à temps, c'est... Ah, c'est ça. Pas assez de cortisone, puis... Ouais, hein, rendu là, les gars, ils sont quand même... sont checkés. Il y a des sacrifices qu'ils vont faire. Peut-être que ça ne sera pas payant plus tard, mais regarde, c'est l'histoire d'un tournoi. Là. Mm. Si on me donnait la chance, pourquoi pas? Parce que surtout les programmes qui sont au Final, au March Madness présentement, il y en a 64. Au total, dans la NCAA, il y en a quoi? 360, 380 à peu près? Combien vont atteindre la NBA? Ben c'est ça, surtout que la NBA, c'est un repêchage de deux rondes seulement. C'est ça, là. 60 joueurs sont pris. C'est pas comme dans la Ligue nationale ou la NFL ou encore au baseball où t'as environ... Surtout au baseball, là. Au baseball où t'as environ 60 rondes. Ouais. Donc c'est comprenable, en même temps, t'as 30 équipes avec 18 filiales à remplir, là. C'est normal, sauf qu'au hockey, par exemple, il y a 7 rondes. Ouais. Ben, tu sais, t'as une chance d'être repêché en 6, 7e ronde, de développer sur le top pour faire la Ligue nationale, parce que dans la NBA... C'est les deux rondes, si t'es pas pris, ben garde, tu peux pas revenir au collégial parce que tu t'es déclaré professionnel. Ouais, ben la plupart de toute façon vont tomber éligibles une fois leurs études terminées, là. Exactement. Sauf certains qui sont des phénomènes, si on peut dire. C'est ça. Surtout maintenant avec la règle, ils ont plus le droit de repêcher des joueurs dans le fond de l'école secondaire. Les joueurs sont maintenant obligés de faire une année universitaire. Tu penses un peu à LeBron James donc quand tu parles de ça? On verra plus LeBron James, Kobe Bryant, Dwight Howard, qui, eux, vont se directement de l'école secondaire au pro, là. Ce qui est quand même une bonne chose, je pense. Oui, moi aussi, je suis très d'accord. Je suis très d'accord avec ce règlement-là. Donc, non, c'est ça. C'est très dur. Puis, non, c'est pas vrai qu'au basket, c'est plus facile de faire la NBA. C'est encore plus dur avec le nombre d'équipes qu'il y a. Mais c'est ça, c'est vrai. Je sais pas si vous vous rendez compte l'exposure, la visibilité qu'a Butler en ce moment. C'est énorme. Là. Tu passes à l'université, ce sont 5000 étudiants, j'ai regardé. Puis là, tout le monde les connaît. Puis moi, je sais pas qui vous prenez, les gars. Là. Ben écoute, dans le Final Four présentement, écoute, d'un autre côté, je sais pas, avec les succès que j'ai, je sais pas si je devrais prendre de prédiction. Écoute, c'est sûr que Duke, c'est Duke, hein? C'est une force. Par contre, j'aime West Virginia. Je pense que le gagnant du Final Four va être... La finale se joue là, dans cette demi-finale-là, entre Duke et West Virginia. Je pense pas que Michigan State ou Butler ont des chances de s'y rendre. Okay. Ben, ils vont s'y rendre, mais des chances de tout gagner. C'est ça. C'est pas toi, Pierre-Luc, avec tes prédictions. Ben moi, je continue dans la même veine que j'avais déjà commencé. Donc, je vais y aller avec West Virginia, donc qui est ma seule équipe qui reste dans ma prédiction pour le Final Four. Donc, on va continuer dans le même sens. Toi, Pierre-Luc, JP? Ben, c'est sûr que je vais y aller avec Duke, c'est mon équipe. Mais j'haïs pas Michigan State. Les Spartans, qui ont un beau style de jeu, je trouve, plus technique du up and down. Là. Ouais, OK. C'est du beau basket à regarder. C'est sûr que c'est peut-être un peu plus défensif. Sauf qu'en même temps, leur défensive est tellement agressive puis ils forcent le jeu que sont vraiment le fun à voir. Dans le fond, eux, c'est tout ou rien. C'est sûr que Punk Butler sont avantagés, sauf que les deux sont team numéro 5. Ouais, c'est ça. Donc pour ça, c'est pas si pire, là. Mais il y en a gros que je connais qui prennent pour Butler, c'est l'équipe Cendrillon. Oh ben ça c'est comme à chaque année c'est comme ça là, c'est on prend pour le petit chien blessé, la biche blessée là. Exact. Hey, pour ceux qui savent pas Butler, il joue au Inglefield House. Si vous avez vu le film Hoosiers, qui est un film de basketball qui a été tourné quoi 85-86. Environ avec Gene Hackman. Puis. En fait, je pense que je vais l'écouter après-midi. Là. Non, ben je l'ai chez. C'est non, vrai. C'est vrai, si tu me l'as prêté. C'est ça. C'est un petit message, tu veux-tu le revoir? Donc, il joue au Inglefield House. C'est le. Pas l'aréna, ouais, on dit-tu l'aréna? Le stade, dans le fond, à la fin du tournoi, lorsque les Hickory affrontent Oh, il affronte qui, tu te souviens-tu? Je sais pas. Pas en tout cas, il affronte une autre équipe. C'est dans ce stade-là, puis vraiment, c'est un stade qui est reconnu par l'UNESCO. J'ai vérifié ça. Donc, c'est au niveau de son architecture, au niveau de comment c'est fait, tout ça, c'est pas l'UNESCO, les États-Unis ont un genre de système, là, comme le département de... Le département de... Des bâtiments. Ouais, c'est ça, si on veut, là. J'essaie de trouver le nom, c'est pour ça, là. U.S. National Register of Historic Places, U.S. National Historic Landmark. Donc, des endroits historiques, tu sais, qui, j'imagine, peuvent pas patrimoine, être détruits. Mettons. Ouais, bâtiment, patrimoine, exactement. C'est le mot que je cherchais. Donc, vraiment, là, en tant que tel, c'est un endroit qui est grandiose. Bizarrement fait, si on compare avec... le look des stades aujourd'hui, mais ça date de 1928, ce stade-là. Donc, ça a un look un peu comme, justement, dans ces années-là. L'usine, un warehouse que tu appelles aux États-Unis. Il rentre 11 000 personnes là-dedans, donc quand même. Et tu as vu, je sais pas si tu as vu, Pierre-Luc, aussi le nouveau Lucas Oil Stadium. Non, c'est ça. Qui est le stade des Colts d'Indianapolis. OK. OK, Butler, ça se trouve à l'université qui est à Indianapolis. Et fait vraiment l'extérieur. De la même façon, les mêmes couleurs de briques et un peu le même look que le Inkold Fieldhouse. Ça se ressemble énormément, donc c'est intéressant. C'est un beau clin d'œil, je trouve, que Indianapolis a fait là-dessus. Je sais pas toi, là, JP, là, qu'est-ce que t'en penses? Ben, moi, j'adore tout ce qui est nouveau stade, là, mais c'est vrai qu'il est vraiment beau avec la brique genre beige brune. Là. Ouais, c'est ça. La bonne vieille brique de qualité. Le toit qui s'enlève en plus à cette heure, c'est pas beau. Ah ouais, non, c'est ça. Mais vraiment, de la façon qu'ils sont venus copier ça un peu, là, je trouve que c'était un beau... Je trouve que ça stade-là beaucoup plus beau que celui de Dallas, le nouveau, malgré qu'il est impressionnant. Là. Ouais, mais c'est comme... Si je compare avec Dallas, c'est comme un gros jouet, Dallas. C'est Everything's Big in Texas, qu'ils disent, là. Tu sais, vraiment, comme le... C'est juste l'écran en dit long. Écran de 60 verges, là, t'es pas supposé de pouvoir pogner l'écran avec un kick. Non, c'est vrai. Puis j'aime pas ce qu'ils ont fait. Moi, personnellement, je l'aime pas le stade à Dallas. Je l'aime pas, là. Je veux dire, mais tu sais, le fait que tu peux payer, faut que tu payes. C'est quoi, comment ils appellent ça? Tu payes juste pour aller en dedans, mais tu peux pas voir la game. Tu peux juste comme participer au party d'avant la game. C'est comme un tailgate payant. Ouais, c'est ça. T'en as entendu parler? C'est quand même cher, là, juste de rentrer dans le parking, c'est genre 70$. Là. T'es-tu sérieux? Moi, je suis allé à Buffalo, c'est comme... C'est 20$ le parking. J'ai foutu de l'argent, là. Ouais. Ben, moi, je me souviens plus quand je suis allé en Nouvelle-Angleterre. C'est environ une trentaine de dollars. OK. Tu y avais été, toi? Tu étais été, toi? Ah non, tout t'es... Non, mais c'est de la moyenne de la ligue, environ, dans ces places-là. Surtout au nord, là. Quoique, je sais que le billet, là, je sais pas avec le Cowboy Stadium, mais je sais que le billet était le plus cher en Nouvelle-Angleterre. C'est là le billet le plus cher où est-ce qu'il se vendait. Par contre, ça a peut-être changé là, en tant que tel avec le Cowboy Stadium et tout ça. Mais à 1,3 milliard, le stade, faut que ça se paye, hein? Non, c'est ça. Jerry Jones, il va pas chercher son argent en ayant des McDo ou je sais pas trop. Là. Je sais pas. De toute façon, ces Cowboys, ils ont quoi? 5 milliards, ça? Oh, là, tu m'en poses une. C'est la franchise la plus... qui vaut le plus. Là. On est loin des Canadiens. Là. Ouais, ben, pis il reste que le Canadien, tu sais. C'est parce que t'as eu des mauvaises années, là, avec le Canadien, là, pendant un petit bout, là. Mais, quand même. Il fait quoi, Jerry Jones? C'est quoi sa vie? T'es-tu? Il est président de l'équipe, là. C'est genre le propriétaire, là. Non, je le sais, mais lui, il a fait quoi faire son argent? Regarde, vois-tu Wikipédia à la rescousse? Ma Colette. Ouais, ben, c'est ça, j'ai fait ma Colette. T'es en vacances, Colette. Vois-tu donc. C'est ça qu'on n'a pas eu de météo aujourd'hui. Non. Ah, vois-tu, il y a de l'huile, du gaz en Arkansas, des choses comme ça. Donc, mais vois-tu, il a l'air d'avoir été dans le football quand même longtemps. Il a joué au football, il a été coach. Non? Non, OK, non, il a engagé Jimmy Johnson. Donc, en tout cas, c'est un businessman, CEO and entrepreneur. Donc, vraiment, mais quand même, Jones, très impressionnant, tout son curriculum vitae. Donc, March Madness, ça recommence quand? Ça recommence samedi. Samedi le 3? C'est ça. Et c'est à Indianapolis, donc au Lucas Oil Stadium, on en parlait. Donc, si vous voulez voir l'architecture, vous allez pouvoir ce jour-là. Et la finale, c'est le 5? Oui, lundi. Lundi soir, en direct du Lucas Oil Stadium. Ben, je te remercie beaucoup, JB. OK, on espère une victoire de Duke. Ouais, ou de West Virginia. Ouais. Moi, je vais prendre pour Laval. Non, je sais pas. Les citadins de l'UQAM. Let's go, l'UQAM. Let's go. Allez, merci beaucoup, JB. Good. Bonne semaine. Salut, bye. Donc, c'est salut, ce qui, merci. C'est ce qui conclut un peu notre émission. Ouais, Pierre-Luc, hein? Ça ressemble pas mal à ça pour aujourd'hui. Ça ressemble pas mal à ça. Ouais. Donc, on vous rappelle, si vous voulez nous rejoindre en studio, c'est le live à commercial inconduite de partie.com. Oui, puis on suit ce soir les deux septièmes matchs dans le junior majeur. Tout d'abord, le Saguenay de Rimouski contre les Saguenayens de Chicoutimi. Et on a aussi la série entre les Olympiques de Gatineau et le junior de Montréal. Donc, on suit ça avec grand intérêt. Exactement. C'est ce qui conclut. On vous souhaite une bonne semaine, tout le monde. À la semaine prochaine. Bonne semaine.